petite jolie lune, jolie petite brune, comment se passe votre nuit au fond de ce ciel gris? Trouvez-vous le sommeil avec tous ces appareils qui vous tournent autour comme de vieux vautours? Et en bourdonnant pour cacher le bruit du vent, jolie petite lune, veux-tu t'en griller une avec moi, le temps d'un signe de croix, et converser avec sincérité de ce monde où des étoiles blondes, veux-tu me raconter comment tes parents t'ont fait? S'ils s'entendaient bien, s'ils avaient un chien, j'ai toute ma nuit à t'accorder avant que tu ne te mettes à tourner. Car ton collègue, le soleil, lui, n'aime pas qu'on le réveille en pleine nuit, car ses journées à lui sont très chargées, même pas le temps de discuter. Alors que toi, même si tu ne m'écoutes pas, tes jolis yeux restent toujours droits, braqués sur moi. Et si, au moins une fois, tu me prenais